la gouvernementalomanie, l'intellectualo-gauchomanie, l'américano-anglomanie, manie, la jazzo-tango-rétro-manie, la club méditerranéomanie, et la thalassothérapomanie, la déconodébilomanie, manie, l'autosatisfactionomanie, la pornomanie, la sexomanie, météomanie, la sodomanie, l'écologico-ML, les fomiso, gynophalos, cato, crado, crasso, idiot, vulgo, cacophono, micro, la gouvernementalomanie, l'intellectualo-gauchomanie, la zingobistro-flipomanie, manie, la super hyper extra manie, la gastronomo-bouffomanie, et la stéphano-footballomanie, l'exhibitionno-sexomanie, manie, la mini-maxima-jominomanie, la psychomanie, l'astrolomanie, la lotomanie, la sécumanie, la photoporno, crypto, socio, démocrato, coco, facho, naso, disco, whisko, gogo, tono, forno, sumo, ou la gouvernementalomanie, l'intellectualo-gauchomanie, et la TV, radio, sondomanie, manie, et la médicamentomanie, l'informatico-robomanie, et la PD, unisexo-guinomanie, la déconodébilomanie, manie, la staro-super-staro-manie, Chazo équivoco, mani, la Philippe Bouvardo, Bavardo, mani. Et puis encore, j'en suis, je pourrais vous dire la Léon Zitrono, Ego, mani. La Pierre Belmaro, Micro, mani. Bonjour, monsieur le Super, la Pierre Belmaro, Vertello, mani. La Crescero, la Martino, Colaro, Calinaro, mani. La Pierre mani. La Pierre mani. Il y a aussi Jésus-Marie, on peut y aller sur la Germanie. La Pierre mani.